commencer aussi par faire cela. Donc moi, je suis en charge en fait de nos de la commercialisation, on va dire ça comme ça, des produits dérivés. Okay. Produits dérivés, vous savez ce que c'est ? Ouais. Ouais. En grande distribution sur la France et le Benelux, essentiellement sur des comptes mass market et sur le discount. Le discount, mass market c'est Carrefour. Okay, d'accord. Et le discount c'est Aldi, Lidl. Okay, d'accord. Okay. Okay. On a des produits dérivés aussi, genre Aldi. Exactement. C'est vrai qu'on imagine les produits dérivés plus chez King Jouet ou les magasins de jouets en fait. Tout à fait. Et donc moi j'ai une de mes collègues qui dont le job est travailler sur la catégorie jouets. Ok. Et d'autres collègues ici, juste là, je le localise sur l'open space, qui travaillent sur le textile spécifiquement. Ah ouais. Ok. Ok. Et donc des Kiabi, des Primark, ouais, etc. Ah ouais. Okay. Donc on adresse tout le monde. En fait, chez Disney, vous laissez en tête, notre objectif, c'est de faire en sorte que les produits dérivés soient accessibles partout. Ouais. Donc, il n'y a rien de révolutionnaire. Hein. Mm-hmm. Et donc, pour ça, on adresse tout le monde. Et les consommateurs vont aujourd'hui de plus en plus chez Aldi et chez Lidl, pour répondre à votre interrogation. Donc, on se doit d'y être. On se doit d'y être, mais ça ne vous a pas échappé. Aldi et Lidl, par exemple, sont très concentrés sur l'offre alimentaire. Ouais. Donc, le job, nous, c'est de trouver des fenêtres, donc chasser des fenêtres pour pouvoir exposer nos produits. Ils se font brasser un peu en plus, comme ils se réorganisent en interne. Enfin, ils font moins sur des palettes, mais plus un vrai magasin. Ah, tout à fait. Ah, oui. Oui, ils sont en relifting complet. Mm-hmm. Okay. Donc Lidl, on va pas rentrer en détail de Lidl, ouais, mais ça devient des enseignes qui pèsent. Mm-hmm. Sur le marché alimentaire, ouais, Lidl, c'est 5,5% et Aldi, c'est 2,5%. Donc ça fait 7-8%, c'est en croissance, très très forte. Et Carrefour Hypermarché, ça fait 10%. Donc tout le rapport de force est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut pas laisser 8% traîner sur le côté. Ouais. Donc ça, c'est mon job. La particularité de mon métier aujourd'hui, j'ai fait d'autres métiers auparavant, de vente directe. Donc on parle de négociation, c'est simple. J'ai un produit ou un service, je le vends. Un tarif, machin, il y a de la négo, tatata. Là, je ne vends rien directement. Je fais vendre par mes partenaires. D'accord. Ok. D'accord. Exemple, on parlait des jouets tout à l'heure. Ouais. Vous connaissez des marques de jouets? Lego. Lego. Lego livre et vend à Carrefour, Auchan, King Jouet, etc., etc. Mon job, c'est de faire en sorte que Lego vende beaucoup, beaucoup, beaucoup de Lego Star Wars, autant que possible, soit en bousculant Lego positivement pour qu'il le fasse, soit en créant des opportunités chez mes partenaires retailers. Et donc l'idéal, c'est que le mec de chez King Jouet appelle Lego, je caricature, il me faudrait 3000 unités du Faucon Millenium. Bon, il est un peu cher, mais bon. Vous voyez l'idée ? Ouais. Voilà, ça c'est la façon dont mon job est... Enfin, dans la négo, en fait, ça rajoute une complexité. C'est une activité moins de vente directe, ah, okay, que de lobbying, okay, véritablement. D'accord. Okay, d'accord. Il y a des leviers, hein, mais ce n'est pas les mêmes. D'où l'intérêt. Et donc pour Lidl, c'est la même chose ? Tu passes par des partenaires tout pour à fait les produits dérivés de Lidl ? Exactement. Okay. Et Lidl, c'est un peu plus... C'est même extrêmement complexe, parce que Lidl, c'est une entreprise qui est allemande. Et en fait, pour tout ce qui est non alimentaire, les achats se font à l'échelle de l'Europe, ouais, en forme de salon, de collection, où les acheteurs de chacun des pays viennent choisir les produits qu'ils vont mettre en marché sur leur pays respectif. Et donc, mon métier, moi, c'est de faire en sorte que les gens de chez Lidl en France, en Belgique et aux Pays-Bas, aient conscience des opportunités qu'on propose avec nos collègues allemands au niveau international. Donc il peut y avoir une forme de complexité. On ne vend pas un avion, hein, mais y a des trucs qui sont moins directs qu'on peut l'imaginer. Comme c'est plus compliqué, j'imagine, de pousser une entreprise qui n'est pas la tienne. Tout à fait. C'est ça, aussi leur... Alors c'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué. C'est différent. Ouais, okay. C'est vraiment différent. Pas plus compliqué parce qu'en fait, vendre en direct, c'est extrêmement compliqué aussi. Okay. Notamment quand tu dois signer un contrat. Parfois, tu as même des dates auxquels les contrats doivent être signés par rapport à des lois, genre de choses. Donc tu as une pression sur le temps. Enfin, je reviens, ça c'est par rapport au levier de négo. Ouais. C'est différent. Okay. Il n'y a pas un qui est plus compliqué que l'autre. Par contre, ce qui est chouette, c'est de pouvoir faire les deux ou d'avoir fait les deux. Ok. Et tu peux juste donner un exemple à Lidl, par exemple, je ne sais pas si tu peux en parler, mais des partenaires. C'est qui les partenaires pour ça, Lidl? Et ben, des partenaires qui produisent des produits, justement, ouais, qui font les produits, ouais, qui les fabriquent. Ben, vous en avez cité un. Ouais. Okay. Lego en est un, okay, mais tu peux avoir dans le domaine du textile une entreprise qui s'appelle par exemple Sun City ou Vendée Rêve, des gens qu'on ne, okay, connaît pas forcément, ouais, ou Aventure pour les chaussures, je dis n'importe quoi, mais dans, ouais, l'idée, ouais, c'est des fabricants véritablement okay. et qui sont capables d'adresser l'ensemble de l'Europe. C'est aussi une limite. C'est-à-dire qu'un petit player, désolé pour l'anglicisme, un petit fabricant français qui n'aurait pas la capacité à produire pour l'ensemble des pays dans lesquels Lidl sont présents, bah lui, il s'élimine de fait. Okay. Il ne pourra pas être sélectionné. D'accord. Quel genre d'interlocuteur j'ai ? Bah, on en a parlé un petit peu, donc ils sont variés. Ce sont aussi bien des industriels producteurs que des acheteurs. Et puis, j'ai aussi une activité autre qui est liée à l'activation promotionnelle, créer des temps forts autour des marques Disney, Marvel, Star Wars. Et donc, mes interlocuteurs, ça peut être aussi des interlocuteurs de marketing. Okay. Donc, des gens qui vont investir en campagne ou des gens qui vont être, si je redescends un petit peu sur la partie opérationnelle, qui vont mettre en place le plan média, qui vont activer les réseaux sociaux, tatati, etc. Ah, okay. etc. Okay. Donc, grosse palette d'interlocuteurs, ce qui est assez intéressant. Et donc ça, c'est quand tu parles de la direction marketing, du coup, c'est la direction marketing de quel interlocuteur ? Des partenaires De l'enseigne. Ouais. De l'enseigne. De l'enseigne. Par exemple, aujourd'hui, un des objectifs, c'est de prendre contact avec mon boss, hein, évidemment, mais de prendre contact avec Elodie Pertuiseau, qui est la directrice marketing de Carrefour. Okay. D'accord. Que vous avez certainement dû entendre ce matin sur les ondes. Elle était interviewée sur Europe 1 avec Wendy Bouchard. C'est un peu tard, remarque. C'est entre 9h et 10h. Parce qu'il y a une nouvelle loi qui vient de sortir. Donc, il y a eu Dominique Chachère, qui est le patron de Système U, qui s'est exprimé, puis elle qui s'est exprimée pour autre chose. Okay. Donc, on a ce type d'interlocuteur. Donc, en fait, la richesse de mon métier, c'est aussi de parler à un acheteur qui a d'autres contraintes, d'autres objectifs. D'ailleurs, c'est pas aussi. C'est de parler à un acheteur, d'être capable de parler à un acheteur et d'être capable aussi d'adresser d'autres interlocuteurs qui ont d'autres objectifs. Et exactement. Et pour ça, alors, on n'est pas des surdoués, donc on s'appuie, nous, sur des équipes ici en interne qui vont être plus pointues sur le digital, plus pointues sur le marketing, plus pointues, etc. Mais du coup, on a quand même une connaissance, au moins un minima verni, mais un peu plus quand même, de l'ensemble des activités. Ok. Varié, tu l'as j'ai répondu. Qu'est-ce que vous avez appris ? Non, pardon. Où avez-vous appris la négociation ? Ouais. Eh bien, je ne sais pas. C'est intéressant, là, à l'école, sur le terrain. J'ai l'impression, en fait, qu'on a tous appris la négociation quand on était gamin. Ouais, c'est ça. Tout jeune. Quand on veut quelque chose. Quand on est bébé. Parents, ou... Alors, pas à 2 ans. 2 ans, c'est un tout petit peu court. Mais 3 ans, on va dire. À 3 ans, ça commence. Et ces négociations... On a peut-être 2 ans. 2 ans et demi, allez. J'aime bien être précis. C'est... lis-moi une histoire de plus. Allez, une dernière histoire, s'il te plaît. Ouais. Ou aller un bonbon en plus. Non, on avait dit un seul chocolat pour Noël. Ouais. Non, mais j'en veux un deuxième et puis voilà. Donc je pense que ça a commencé là, véritablement. Ça marche. Et puis après, effectivement, c'est aussi une forme de nature. On l'apprend en cours, on l'apprend aussi en le pratiquant. Okay. Et la négociation, en fait, c'est vraiment un jeu, quoi. C'est un jeu. C'est un jeu de rôle, c'est un jeu tout court, il faut le prendre avec plaisir. Je me souviens très bien que justement, quand j'étais en phase d'études, il y avait un prof de vente qui nous disait, vous devez vous entraîner tous les jours. Tous les jours. Ouais, non, t'exagères et tout. Non, entraînez-vous, ça devient après un automatisme. Alors parfois, ça peut être relou. Mais tu vas dans un magasin pour acheter une chemise, tu peux en prendre 2, et tu demandes un rabais. Tu demandes un discount. Mais monsieur, si je vous en prends 2 aujourd'hui, est-ce que pas un petit geste pour moi ? Est-ce que vous pouvez m'enlever 10 euros ? Est-ce que ceci... Et tu te prends des noms, quoi. Alors, des noms débiles. Ah non, désolé, c'est l'informatique, je ne peux rien faire. Ça on le connaît tous, mais il y a quelques temps il y avait moins cette objection de l'informatique. Et puis non monsieur, en revanche je vais vous donner ma carte de fidélité. Donc tu peux obtenir des choses, en fait, et cette mécanique là elle est valable partout sur un marché. Quand tu achètes c'est plutôt la saison des mandarines, mais moi j'adore la saison des mandarines. J'adore les mandarines corses, vous voyez celles qu'on a une petite feuille, et puis elles sont bonnes, elles sont un peu chères, et des fois tu as 2 kilos, 1 kilo à 4,50, c'est un peu cher, mais bon. 2 kilos, on va dire 8. Et j'arrive plutôt, il faut être malin, il faut regarder l'environnement dans lequel on est, il faut y aller. Alors, soit super tôt, parce que là, tu es le premier client, c'est toi qui enclenches la journée. Et c'est important pour un marchand. Soit à la fin. Et à la fin, exactement. À la fin, il y a ce truc de toujours pression du temps, de débarrasser le truc, donc c'est l'environnement qui est assez intéressant. Et là, pour le coup, ouais, je prends les 2, ouais, mais Alors, il peut te servir et tu peux lui... Ouais, vous en mettez quelques-unes. Il ne faut pas avoir honte. Et le mec va te dire, ah bah non monsieur, vous vous rendez pas compte, vous avez déjà une promotion, je suis à 8 euros. Et il a raison. Dont acte. Ok. Et puis il y a celui qui va dire, ouais, allez, va. Il t'en met une ou deux. C'est rien. Mais c'est un jeu. C'est pas ce qui va changer ta vie à toi, mais c'est un jeu. Et cette attitude-là, c'est une attitude qui permet véritablement après d'être plutôt à l'aise dans les différentes négociations. Ouais, ok. Voilà, pour l'aspect apprentissage. Préparation. La préparation, c'est super clé. Une vraie négo, elle se prépare déjà très en amont. Enfin, très en amont. Elle se prépare en amont. Parce qu'en fait, si on le fait à J-1, ouais, ça marche aussi. On n'a pas le temps d'assimiler. On n'a pas le temps d'assimiler, on n'a pas le temps de l'enrichir, on n'a pas le temps de laisser les idées nouvelles d'arriver. Par contre, si c'est J-5, mais propre, hein, J-5, elle est clôturée, on peut y revenir à J-3 parce que il y a un truc là. Donc en fait, le truc, c'est le faire en amont. Et après, il faut essayer de le faire le plus complètement possible. Alors ça, c'est super théorique. Dans la pratique, on oublie toujours des trucs. Mais complètement, c'est... ok, je visualise l'endroit où je vais être. Ouais. Je peux vous en parler après. J'ai fait des négociations en alimentaire, pure et dure. J'ai bossé chez Mars avant. Et c'est vachement important. Je cherche le maximum d'informations sur mon interlocuteur. Okay. Son environnement, patati patata. Et je connais mon dossier parfaitement. C'est la base. Okay. Ensuite, je travaille un petit, ouais, je dis un peu tout. Et après, les outils, alors j'en ai pas d'outils particuliers, je suis désolé, enfin que je fouille dans des trucs, mais... donc ça, c'est les infos qui me semblent essentielles. Je peux en oublier d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, parce que ouais, c'est un échange. Et après, dans la préparation, ce qui est assez intéressant, c'est d'envisager les scénarios. Ok, c'est un peu les plans B, ça, non? Exactement. Alors, si on me dit ça, je fais ça, si... Exactement. Et puis, il y a une règle d'or, en fait. C'est les plans B, et puis c'est aussi l'anticipation. C'est-à-dire qu'il y a une base en négociation qui n'est jamais rien sans contrepartie. Une négociation, c'est de trouver des accords, de trouver un accord. Ouais. Là, il ne s'agit pas d'aller choper 3 mandarines de plus ou autre. Et donc, moi, je pourrais l'illustrer. Je suis acheteur. Là, tu viens de me dire... que tu étais prêt à me livrer un tarif que je viens de demander. Donc je suis content. Et toi, tu penses que tu as fini ta négo. Je voulais un tarif. Et je te ressors un truc. Oui, mais alors, super, on est d'accord, 3,12 euros d'unité, machin bidule. Mais ce que je voudrais, c'est que tu livres non pas sur un seul point de livraison, mais sur 15 points de livraison. Tu comprends, là, j'ai des problèmes logistiques. Et donc là, tu peux ou tu peux pas le faire. Si tu ne veux pas le faire, la technique, c'est, il faut le dire tout de suite, pour éviter des frustrations, des machins, des trucs. Si tu peux imaginer le faire, peut-être pas sur 15 ou sur 5, qu'importe, je prends un mauvais exemple. Enfin, à ce moment-là, il faut que tu me donnes, demande une contrepartie additionnelle. Ok Vincent, tu veux 15 points de vente, écoute, a priori, comme ça, je dois être en capacité de pouvoir le faire. C'est un surcoût pour moi, pour toi. Mais si je fais ça, est-ce que toi, de ton côté, tu es prêt non seulement à t'engager sur la quantité qu'on vient d'évoquer, mais aussi de prendre 10 000 unités de cette nouvelle référence. Ouais. Et là, oh putain, là tu me balances ta vache chez moi, dis, non, bah écoute, ouais, donc non, bah écoutez, alors là, bah, voilà, toi, on faisait jamais rien sans contrepartie. Parce que ouais, si tu me dis ok à 15, derrière je te ressors un truc. Puis après, t'es là plus rien. Enfin, bref. Oui, donc d'où le fait de, pardon, d'envisager les différents scénarios. Ok. Et on peut toujours trouver une contrepartie d'après toi ? Comme tu vois, il y a des négociations, j'ai l'impression que tu vois, t'as le prix, la personne elle demande moins cher. Ouais. Donc tu dis ok, mais il n'y a aucune contrepartie derrière. Est-ce que c'est nous de les préparer ? Ouais, tu vas en trouver. Ouais. Donne-moi un exemple, enfin je sais pas, il faut regarder le produit dont on parle. Ouais, c'est sûr, mais... Quel que soit le produit dont on parle, on trouve des exemples. Délai de livraison. Exactement. Délai de livraison, si c'est dans du B2C, donc le mec il va vendre à grande échelle sur un marché de grande consommation, la contrepartie que tu vas lui demander, c'est d'investir en pub. Peut-être tes produits se vendront plus vite, il n'y aura pas d'invendu. Ou il y a toujours des trucs. Ok, ça marche. Ouais, je pense au tout. Mais des fois, c'est pas évident, mais il y a toujours des petits trucs. Ouais, okay. Et qui ont le mérite, en fait, de freiner l'appétit d'achat. C'est le truc, il est là. Quand tu es en mode vente, il faut freiner l'appétit d'achat à minima, quoi. Donc voilà, utilisez-vous des utilités particuliers, je ne saurais pas les nommer. Mais du coup, tu t'articules en gros, il y a plusieurs trucs que tu fais gaffe de préparer, quoi. La personne, l'endroit où tu vas être. Ouais. Il y en a d'autres, les enjeux, le plan B. Les enjeux, les scénarii, ouais. Qu'est-ce que je peux lâcher. Le dossier. Qu'est-ce que j'apporte, le dossier que je maîtrise bien. La valeur ajoutée de ce que j'apporte. Qu'est-ce que j'attends dans le monde idéal. Ouais, et tout ce qui est non négociable. Ouais. Okay. Ouais. Par exemple, la livraison, pareil, je reprends cet exemple-là. La livraison, c'est non négociable. Donc le mec me demande quelque chose, non, désolé, ça, c'est impossible pour moi. Okay. Et là, je suis clair tout de suite. Sinon, après, ouais. C'est un message clair qu'on a eu. Sinon, on gère la frustration et ça, c'est terrible. Ça marche. Parce que la négociation, en fait, et dans la préparation, faut vraiment avoir en tête un truc qui est vachement important. Mais vachement important. C'est une relation. C'est une relation sociale. C'est une relation entre des hommes et des femmes, en fait. Aujourd'hui, il y a de plus en plus des enchères inversées sur Internet. Là, on est sur des, c'est pas des négos, c'est des négos prix, quoi. Ouais. Enfin, c'est basique, quoi. C'est le prix qui, tu vous le connaissez, l'histoire des négos inversés d'enchères inversées. Non. Moi, ou une enchère tout court, d'ailleurs. Ouais, eBay, genre la base. Voilà. C'est donc quoi, on est. Le principe d'enchères inversées, le principe des enchères inversées. Ça part d'un prix haut et les gens réfléchissent. Ouais, il descend, puis un moment tu vas taper. Ça marche. Achète. Je te vends à 100, personne ne bouge. Ah ouais, ils se disent. Exactement. Lequel acheteur va prendre voilà. En premier. Et d'accord, voilà, okay. Exactement. Ah, c'est énorme. T'attends. Ah, il l'a pris. C'est vraiment le truc de dingue. Donc voilà. Donc c'est une relation sociale. On discute avec des êtres humains en général, véritablement. Donc il faut les connaître. Et quand on ne les connaît pas, on fouille. Maintenant, il y a plein d'outils pour savoir qui ils sont. Et après, mais ça on verra plus tard, dans l'entretien, on a une phase de prise d'information, d'écoute et de connaissance de l'individu avec lequel on travaille, où on discute, qui est extrêmement importante. Pour savoir qu'est-ce qui le motive. Exactement. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu cherches sur la personne? Qu'est-ce qui t'intéresse le tout. Plus? Tout. Le profil. Ouais. Sur Internet, tu veux dire? Ouais, le profil. Pourquoi tu documentes à fond? Ouais. Est-ce qu'il ressort? Comment il ressort? Est-ce qu'il a pris la parole en public? Est-ce qu'on voit sur YouTube? Etc. Etc. Ah, okay. D'accord. Est-ce qu'il est intervenu dans des conférences? Il a été filmé. Ok. Ça, tu vois. Dans les écoles, t'as le mec qui aime bien. Je sais. Là, il a un truc. Putain, le mec, il a fait une conférence à l'école. Il a parlé de son métier. Ça, c'est un point qui est intéressant. Ouais. En égo, à un moment donné, en relation sociale, je connais un truc de lui, je peux l'utiliser. Mm. Ça peut être un icebreaker au départ. Ouais, j'ai vu que vous avez fait le mec, il est super froid. Ouais. Et sa passion, c'est de faire ça, par exemple. Ou il a adoré faire ce truc-là. Je peux me tromper aussi. Hein, mais, mm. Et là, tu vas sur son truc. Voilà, il y a des choses comme ça. Quoi. Ouais, okay. D'accord. Coopérative. Ouais. Alors, on a choisi ce terme. C'est pas forcément le plus clair. C'est une négociation où les deux parties voient ça un peu comme vraiment comme un échange de bons compromis quoi. D'accord. Enfin en tout cas c'est notre définition. Je sais pas toi comment tu vois. Ouais. C'est comment toi tu vois ça. Qu'est-ce que ça serait pour toi une négociation coopérative? Nous c'est un peu en partenariat plus avec la personne. C'est une négociation partenariale en fait. Ouais. C'est la création d'un partenariat. Tout à l'heure je vous parlais de Carrefour. Vous savez que Carrefour et Google ont un accord aujourd'hui. Ont signé un accord. Cet accord est extrêmement intéressant. En fait, Google va héberger Carrefour sur sa marketplace. Okay. Google va fournir l'ensemble de ses outils aux salariés de Carrefour. Carrefour va forcément, vu la force de frappe que ça a en France, nourrir Google de sa base de données clients, blablabla, blablabla. Il monte ici dans le 13e. Derrière, là, vous savez, il y a l'incubateur. Je sais pas, il y a l'incubateur de start-up. Ouais. Start-up, machin, le factory. C'est génial, là. C'est ça. Ah, ils montent un truc. Et donc, Google monte un truc, car les salariés de Carrefour vont bosser là. Okay. Pour inventer les concepts de demain. Donc, en fait, là, ils sont dans la coopération. C'est une négo où il y a peut-être des échanges financiers, mais c'est un accord mondial de coopération. Et ils ont trouvé ensemble des éléments qui leur permettaient en fait de travailler ensemble et de trouver de la valeur ajoutée à leur relation. Okay. Donc là, on est dans une négo de construction. Et certainement, Carrefour a dû demander des choses à Google que Google a refusé. Et donc, c'était une négo. Et certainement, Google a demandé des choses à Carrefour que Carrefour a dû refuser. ça veut pas dire qu'ils sont voilà, ils peuvent très bien se fâcher demain matin. Parce que dans le même temps, Carrefour est avec Google en France, dans le monde je crois, mais en Chine, Carrefour a signé un accord avec Tencent. Okay. Donc qui est un player chinois qui fait à peu près la même chose, ben, qui est un as de la nouvelle technologie. Et donc pour moi, potentiellement, un concurrent de Google. Donc en fait, on est dans la construction, véritablement. Moi, c'est les trucs qui me le pèsent le plus. Moi, les ventes one-shot, ça ne m'intéresse pas. Ouais, okay. Donc des ventes collaboratives, ou coopératives, pardon, ou partenariales, moi, ça m'intéresse que ça s'inscrive dans la durée. Moi, ce que j'adore, c'est de commencer un deal, un business avec quelqu'un, année 1, et de le faire grandir en tenant compte des retours d'expérience, blablabla, en année 2, en année 3, en année 4. C'est beaucoup plus intéressant. Exactement. C'est enrichissant, c'est moins brutal. Ça peut être tout aussi exigeant, mais c'est moins brutal. Ouais. En tout cas, moi, je prends beaucoup plus de plaisir à ça. Car la négociation compétitive que je définirais par la mise en place d'un rapport de force. Okay. Pur et dur. C'est-à-dire pas de concessions. Ou... Peut-être des concessions, mais un putain de rapport de force. Toi avec tes partenaires, c'est... il la joue comment tu sens qu'ils essaient directement de rentrer dans un rapport de force ou... Ça dépend lesquels. Ça dépend véritablement de leur culture et surtout de leurs objectifs. Ce qui est assez intéressant, c'est que un partenaire potentiel A peut être plutôt dans l'aspect compétitive en année 1, et parce qu'il en a besoin, passer en mode coopératif en année 2, et inversement. Donc rien n'est jamais établi, mais définitivement, moi ce que je préfère, c'est plutôt le coopératif. Okay. En fait, le coopératif, c'est ce qui permet de multiplier l'intelligence collective. Il y a deux parties qui, parce qu'elles vont discuter, parce qu'elles vont réfléchir à créer de la valeur ajoutée, vont finalement faire grandir un projet. C'est ça qui me plaît. Tout de suite ou sur le long terme. Là où le côté plus compétitif, c'est plutôt du one-shot, en fait, véritablement. Ou il y a un rapport de force. La distribution, aujourd'hui, pour l'exemple du retail en distribution, ils sont en rapport de force. Domine. Ouais. Enfin, Leclerc, il pèse 20% du marché français. Et je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais un directeur commercial d'une entreprise qui fait des saucisses. Des saucisses de Morteau, dans le Jura. Vous connaissez ces saucisses-là Dans la ville de Morteau, t'es jurassien? Non. Mais t'es franc-comtois? Il aime bien manger les saucisses de Morteau. Mais l'hiver, elles sont top. Hein. L'hiver, c'est top. Avec des petites pommes de terre et tout. Et en fait, ce gars-là, j'avais entendu en parler. Dans son bled de Morteau, il y a une usine, une fabrication en fait de saucisses de Morteau traditionnelles, labellisées, etc., etc. Ce gars-là, quand il va en négociation chez Leclerc, il porte sur lui 20% de l'activité de son usine. En termes de pression, c'est juste énorme. Et en face, t'as un mec qui peut très bien lui dire, tu sais quoi, ta saucisse de Morteau, j'en veux pas, on trouve pas d'accord, je n'en prendrai pas, et je prendrai des saucisses autres, des fausses saucisses de Morteau. Certainement, certains clients me le demanderont. Mais je perdrai pas de clients. Donc le rapport de force, il est juste extrêmement puissant. Derrière les discours, on s'occupe des petits producteurs, machin, il y a des vrais rapports de force. Ouais. Avec des gens qui portent une activité, leur ville, en fait, quand le mec il va acheter son journal dans sa ville de Morteau, potentiellement, il va croiser des mecs qui, parce que sa négociation n'aura pas abouti, ben, seront au chômage technique. Ouais. Je caricature à l'extrême pour vous rendre compte du truc, mais c'est ça, c'est une forme de réalité. Véritablement. Ouais, ça marche. Donc voilà. La négociation, donc, on a appelé émotionnelle. Alors, je ne sais pas si c'est bon le terme qu'on a utilisé, mais c'est. Est-ce que tu as déjà fait une négociation où tu sens que les gens. Ben, un peu comme on a fait l'exercice de Noma, où tu sens les gens. Alors, pas comme ça. J'ai deux types de négociations émotionnelles. Ouais. Une première qui est liée à la séduction. Ah ouais. D'accord. Et là, on est sur l'émotion. Et là, faut faire supra gaffe à ça. Faut faire supra gaffe à ça. C'est valable aussi bien pour le genre masculin que le genre féminin. Ouais. Véritablement. Donc ça, je vous le dis, ça existe. Il y a des gens qui peuvent user de cette partie-là. Okay. Émotion, la séduction, mais à l'extrême, hein, pas la séduction normale. Quand on est vendeur, on est forcément dans la séduction à un moment donné. Mais il y a un niveau de séduction qui, des fois, est un petit peu hors norme. Donc ça, c'est déjà arrivé. Ouais. Et il faut être alerte là-dessus. L'autre truc, c'est de l'émotion, mais liée plutôt à un ego surdimensionné. Donc, moi, j'ai eu en charge des négociations, notamment avec des centrales régionales. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le fonctionnement de la grande distrib. Mais pour l'exemple de Leclerc, c'est une coopérative, dont le siège est juste à côté. Ouais. Et derrière, ils ont, je pense que le groupe Leclerc a aujourd'hui toujours 16 centrales régionales, si je ne me trompe pas de chiffre. Et donc, le Nord, l'Île-de-France, le Sud, blablabla, etc. Ils ont des noms particuliers, ça s'appelle Scadif en Ile-de-France, le Cassud dans le Sud, etc. Donc, c'est des gens qui. Donc, il y a 600 magasins, pour la faire simple, divisé par 16, tu as 60 magasins ou 50 magasins en fonction des tailles. Et donc, moi, je négociais avec quelqu'un qui était en charge d'une région, donc qui portait en fait le chiffre d'affaires et la rentabilité sur ce produit-là de 60 magasins, et qui, pour des raisons d'ego, et moi, je n'en revenais pas, a laissé passer l'équivalent de 5 millions d'euros. Ok. Mais je m'en suis toujours pas remis. Ouais. En fait, son ego surdimensionné, sa volonté de ne pas. Et alors peut-être que c'était de ma faute, hein. Peut-être que j'ai pas laissé de porte ouverte pour qu'il puisse revenir dans le jeu sans perdre la face, je sais pas. Pourtant, je pense que j'ai fait les efforts qu'il fallait. Mais il a pas voulu accepter un truc qui était. Pour moi, hyper simple et basique, il accepte tous les 4 matins, ouais. Et il a laissé passer 5 millions d'euros. Donc, qu'est-ce qu'il voulait pas accepter ? Bon, je me souviens plus du détail du truc, mais grosso modo, pour la faire simple, au lieu de livrer un produit en début de mois, je lui demandais de pouvoir le livrer en fin de mois, et, un truc mais vraiment basique. C'était pas ça en l'occurrence, mais un truc vraiment simple. Mais il revenait sur un truc qu'il avait tout le temps. Il était bloqué, ouais. Il voulait plus travailler avec nous. Et donc il a quitté la réunion et point quoi. On ne trouvait pas d'accord. Ouais, okay. Et l'année suivante, on a trouvé un accord, etc. Il n'a jamais cherché à revenir. Moi, je pensais qu'il allait me redemander les 5 millions qu'il avait laissé passer, il ne les a jamais redemandés. Ouais. Donc en fait, c'est une question là d'ego. L'ego l'a rendu aveugle. Il a perdu le sens des réalités, ouais. Véritablement. Donc c'est. Voilà, ça arrive. Donc c'est. Pour moi, je trouve que c'est lié à l'émotion. C'est une forme d'émotion, finalement. Ouais, ouais, ouais. On perd la lucidité. Enfin, je sais pas si c'est ce que vous vouliez dire dans votre question, mais... Ouais, très bien. Du coup, comment t'as réussi à gérer ces situations-là ? Comment tu t'es adapté à ça ? Bah, moi, j'étais extrêmement surpris. Hein. Ouais, une forme de déstabilisation, définitivement. Et si j'en parle encore aujourd'hui, c'est que j'ai cherché après, en sortant, toutes les façons de recréer ce lien. Je comprenais pas qu'un mec puisse laisser passer une telle somme d'argent... Alors qu'il n'y avait aucun effort qui était demandé, véritablement. Ouais, il avait juste à dire oui. Voilà. Il était bloqué de chez bloqué. Et pour renégocier l'année suivante, parce que c'est ça qui est important, c'est le next step, il n'était plus, lui, au premier rang. C'est-à-dire que je pouvais manifestement, ma société que je représentais, il n'y a rien de personnel aussi dans une égo, sachez-le. Sauf quand vous négociez pour vous-même, mais sinon il n'y a rien de personnel. Ce que vous portez, c'est une entreprise. D'accord. Ouais, c'est important. Elis, HP... j'arrive plus à le dire. Donc, vous portez une entreprise. Donc, c'est rien de personnel. Si le mec est violent, on le prend pour soi. C'est naturel. Mais c'est pas nous. Ouais. Donc, du coup, il ne voulait pas négocier à l'instant T avec ma société. Et à l'instant T plus 1, pour recréer de la relation et faire fructifier nos affaires communes, l'objectif et l'idée pour moi, c'était de trouver un autre contact qui m'a permis de faire rentrer dans le jeu. Okay. Moi, j'en profite juste sur la séduction. Je reviens dessus. Est-ce que tu as déjà une histoire sur ça ? Sur ? Sur donc une personne qui a essayé de jouer le jeu de la séduction en négociation. Et comment tu t'en es sorti ? Oui, ça m'est déjà arrivé en fait. Mais je m'en suis sorti en essayant d'avoir une relation qui est une relation plutôt adulte. Ouais. Donc c'est du bon c'est sens en fait. La personne, ouais. Ouais, alors j'ai pas eu une attaque dans un ascenseur non plus, hein, mais... Mais à un moment donné, c'est de recadrer les choses en souplesse, mais pas un recadrage en disant « mais oh, qu'est-ce que tu fais ?» mais plus en essayant de revenir sur des choses rationnelles, donc une relation, revenir sur un truc d'adulte à adulte, et de voilà. Okay. Et bon, ça marche, enfin, hein, au bout d'un moment, ça marche. Et faire comprendre qu'en face, on n'obtiendra jamais rien de plus en ayant ce type d'attitude. D'accord. Ouais. Voilà, c'est ça qui est clair. Ça marche. Négo à plusieurs. Allez, ouais. Donc, quoi. C'est plutôt infériorité numérique ou supériorité numérique. Ah. Genre, est-ce que ça change quelque chose? Ouais, c'était deux choses. C'était, quand t'es à deux dans une négociation, comment est-ce que ça change beaucoup de choses pour toi? Et quand t'es en supériorité ou infériorité, est-ce que ça change? Face à quelqu'un. Ouais, ça change. La stratégie mise en place. Bah, exactement. Ça change vachement en fait. Combien seront-ils en face? Ça, on essaie de le savoir à l'avance. Ouais. Comme et puis, il peut y avoir des invités surprises. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est technique des négociations de la deux balles. Mais qui arrive régulièrement pour la grande distribution, c'est une bonne école. Régulièrement, t'as le patron qui se pointe, quoi. Alors, ça se passe bien? Donc, c'est ça. C'est... Ouais. Et puis, bon, tout dépend de la façon dont. Et c'est préparé. Ouais. C'est-à-dire que son. Voilà, on est, y a un acheteur en face de moi et on fait le business et on est one-one. Le mec va rentrer, mais c'est préparé. Et il sait déjà qu'il va gueuler, ouais. Par exemple. Ou au contraire, un autre jeu, un jeu différent, en disant putain, ouais, super produit, tatati tatata, et juste il va chambrer un peu son acheteur pour faire le gentil. C'est fameux du jeu du rôle du gentil et du méchant. Mmh. Avec intrusion, avec présence au départ, etc., etc. Donc c'est assez important en fait. Quand on est à plusieurs, ça change des choses. Okay. Quand on est deux face à un, ça change aussi des choses. Tout ce travail, c'est des jeux de rôle. Si on est deux, face à une seule personne, il faut qu'on soit coordonné. Basiquement, avec des gens intelligents, ça n'arrive pas. Mais il faut qu'on ait le même discours. Ça paraît idiot. Ouais, non, mais des fois, certains peuvent avoir des fulgurances. Ils racontent n'importe quoi. Les mais qui s'emballe, tac. Blancs, tu ne peux pas le contredire. Hein. Exactement. Alors, tu ne contredis pas directement. Ouais. Tu ramènes les choses. Mais l'autre, il n'est pas dupe. S'il est malin, il sait que... voilà. Ouais. Voilà, donc ça se prépare. Quand on est deux, ça se prépare. On est coordonné, on est aligné sur le discours et sur la méthode. Et après, en fonction de ce que l'on veut faire, on peut être aussi aligné sur une distribution de rôle. Basiquement, c'est le gentil et le méchant. Okay. Celui qui va pousser les choses au bout et celui qui va les ramener. D'accord. Pour qu'il y ait toujours un lien qui existe. Et quand c'est des négos à deux contre deux, enfin deux avec deux, contre, tu vois, je suis en compétition, deux avec deux, je suis en collaboration, ça nécessite la même préparation. Et en face, s'ils sont préparés, ou à côté, dans ces cas-là, en fait, il faut déterminer assez rapidement les rôles, on les voit, et on en joue, en fait. On en joue. C'est un jeu. Certains en veulent pour leur argent. Ça dépend de leur nature. Vieille école, machin, etc. Certains, ils veulent de la friction, sinon ils sont pas contents. C'est pas une belle négo, on s'est pas frité. Ok, ben on va se friter, c'est prévu, dans le déroulé. Et à la fin, il est content parce qu'il s'est frité. Il a pensé, en se fritant, il pense qu'il est allé au bout du truc. Ouais, c'est vraiment donné. Ça, c'est des méthodes. Il y a plusieurs méthodes. Ça, c'est la méthode d'avant, méthode de pression. Moi, je pense que la meilleure méthode, c'est la méthode de la collaboration. Ouais. Elle a des limites aussi, mais l'idéal quand on est en égo, l'idéal quand on est un avec un, c'est de finir à côté. Ouais, c'est plus. Putain, mais ça, c'est top. Ah ouais, mais ouais, on est d'accord, on s'est mis d'accord. Ben, on peut se mettre à côté. Alors, on a dit combien d'unités, tac, tac, tac, machin, je caricature, mais. On y pense pas. Et là, c'est top. Là, c'est de la vraie collaboration. On n'est plus en face. La notion d'en face, c'est vraiment un truc quand même, c'est en face. Alors qu'en fait, l'amener à côté, c'est différent. Là, ça va, c'est marrant. Et tout est négo d'ailleurs, sachez-le. Hein. Tout est négo dans la vie perso. La négociation professionnelle, c'est une chose, mais dans la vie perso, avec les amis, alors on ajuste, hein, mais. Avec son épouse ou sa copine ou son copain ou qu'importe, il y a toujours cette notion de négo positive, de collaboration, véritablement. Enfin, je trouve. Alors, c'est vrai. Ok. Alors peut-être qu'on peut passer les questions suivantes, comme tu as déjà raconté plein d'anecdotes. Ok. Conseils. Donc, ouais, trois conseils à donner donc, à des étudiants comme nous en négociation. Ouais. Alors, je vais les mettre dans le désordre. Ok. Je pense que je vais commencer par vous dire que les négociations, pour moi, c'est une source de plaisir. C'est un jeu. Donc, c'est un jeu de rôle. On écrit des scénarios. Donc, il faut vraiment le prendre comme du plaisir. Il ne faut pas partir en égo en se disant « ça va être difficile, j'ai trop de pression, j'ai pas envie, ils voudront pas, et patati et patata. » Mais plutôt se mettre dans un mode qui est plutôt un mode positif, genre « ça va être génial ». On va construire un accord, on va trouver des trucs qu'on n'avait même pas imaginés, on va se développer. Enfin, ça, c'est le premier point. D'accord. Donc, il y a une préparation mentale. Okay. Ça fait le lien avec le deuxième point qui est, à mon avis, extrêmement clé, c'est la préparation. Alors, j'ai pas vu de, je me suis pas plongé dans les trucs théoriques, hein, mais je sais pas, peut-être que à l'école vous allez le voir. Une négo, c'est potentiellement un peu comme un iceberg. La proportion, je la connais pas, mais la partie qui est immergée de l'iceberg, extrêmement importante, ça c'est la préparation. C'est ce qu'on voit pas. Ce qu'on voit, c'est le temps qu'on passe une heure à négocier, ouais. Et la préparation, elle est extrêmement importante. C'est peut-être un 80-20. Et donc, du coup, pour une heure de négociation, il y a potentiellement des fois, en fonction des... Bon, alors après, toute négociation à caractériser par ailleurs, mais il peut y avoir une semaine de prep. Ouais, okay. Selon le niveau de vente, vente complexe, machin, etc. International, enfin, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, la préparation, c'est super important. Le dernier point, c'est l'écoute. Quand on est préparé, quand on a envie de jouer, souvent on a envie d'y aller. Hé, hey, j'y vais, attends, je suis prêt, puis en plus j'ai envie de marrer. Je marre. Et en fait, non. Le plus difficile, tout à l'heure, tu fais référence au silence, au blanc. L'écoute, c'est fabuleux. T'apprends énormément de choses qui vont être utiles pour faire avancer après ton scénario. Vraiment. Et qui vont t'enrichir pour les prochaines négociations que tu auras. Parce qu'à un moment donné, l'interlocuteur ou l'interlocutrice t'aura dit qu'elle habite dans telle région. Que sa passion, c'est ça. Qu'elle a X ou qu'il a X enfants. Qu'il adore tel et tel sujet. Et donc, ça, c'est des points d'accroche qui permettront de faire des rapprochements. Je reviens sur... Et donc, je boucle avec ce que vous avez dit à l'introduction. Ou pas, d'ailleurs. C'est de la relation. Okay. C'est de la relation. D'accord. Ça marche. C'est clair ? C'est très clair. C'est parfait. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. Bon, ça vous donne...